plus joyeux. Scène réaliste par Aristide Bruand. Bravo, bravo. Le dernier couplet. Oh, vous voulez que je vous chante le dernier couplet? Oh, mais c'est que je ne peux plus. Je ne peux plus chanter. Parbleu, elle est encore saoule. Quand les mœurs de la prison ont du tourment avec leurs filles. Quand les mœurs de la prison ont du tourment avec leurs filles. Et les beaucoup de l'amour, surtout lorsqu'ils sont en filles. Mon amoureux, en petit petit, et les briseries faire des grilles. Et le briseur est perdu. Bravo, bravo, bravo! Vive nos petites marmites, nos petites bombes, nos petites guerres, nos légers, nos bergères, nos chauffeurs chauffeurs. Viens, ma petite poudraine, viens que je te déconne, viens que je te dise. Mon petit Milo, oh, oui, mon petit homme, pour mon fricot, c'est pour ta pomme, oui, t'en auras. Attends, tu voudras, dis bon pognon, c'est dans mon vent. À nous les thunes, à nous les jaunets, à nous le sac, à nous le carme des pentes, l'auberge d'initiés, la braise des naves, la galette des poires. Il y aura des petits joyeux tant qu'il y aura des naves, tant qu'il y aura des femmes dans les pieux et du vin dans les caves. Nous en chaufferons, nous en aurons, à la santé des nichés qui feront. Tant qu'il y aura des naves, les petits joyeux boulotteront. Oui, tant qu'il y aura des naves, les petits joyeux boulotteront. À la santé des poires, à la santé des pentes, à la santé des nichés. Vive les petits joyeux! Milo, chante tous les petits joyeux. Les petits joyeux! Allez! Et encore, on fera comme toujours. Mais nous, les petits marlots, on rencontre les buts. Là où c'est le pierron, on prend en fait son lit. Là où c'est dans les fées, nous faisons des culpites. Avec les petites marmites que le bon Dieu nous fournit. Et nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid sans crotte. Et nous les joyeux, les petits joyeux, les petits marlots qui n'ont pas froid sans crotte. Qui veut battre les effets, on fait pas de mal aux pentes. Mais quand il veut ressauter, on va faire du potin. On y fout gentiment un petit coup de lingue dans le ventre. On y apprend à gueuler à 2 heures du matin. Et nous les joyeux, les petits joyeux, les petits malheureux qui n'ont pas froid dans le ventre. Et nous les joyeux, les petits joyeux, les petits malheureux qui n'ont pas froid dans le ventre.